surenchère des images, toutes plus inédites, plus fortes, plus spectaculaires. Celles filmées avec un téléphone pendant le séisme du Népal, floues, tremblantes, bruyantes, films amateurs qui se terminent invariablement par un grésillement, une coupure. Il y a celles qui saturent les chaînes d'information aussi. Il y a même celles filmées par un drone après le séisme. Terrifiante plongée entre l'état des lieux et le film catastrophe, où on voit les rescapés se ruer dans les magasins pour faire face aux pénuries. Saturation de ces images auxquelles on ne peut échapper. Ce qui trouble, en fait, c'est qu'à force de les voir, on y est de moins en moins sensible. Cette réflexion sur l'image, elle m'évoque le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Dans cette adaptation du roman de Burgess, il n'est question que de mise en image, finalement. Des images spectaculaires, des images violentes qui interpellent le spectateur, des images qu'on accumule, qu'on projette et qu'on nous force à regarder pour mieux interroger leurs effets. Dans le film, les images, elles agressent, elles paralysent et elles finissent par s'affaiblir. Dimanche sur TF1, les images de la catastrophe du Népal n'étaient pas les bonnes. Claire Chazal nous a bien prévenu qu'elles étaient très difficiles à supporter, c'était pas les bonnes. C'était des images de l'effondrement d'un immeuble au Caire en Égypte, pas des images du Népal. Et le pire, c'est pas tant l'erreur, mais le fait que ces images soient interchangeables, des images de catastrophe, spectaculaires, interchangeables. France Inter. Augustin Trapenard. Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang, mon invité. Aujourd'hui, se méfie-t-elle de la prolifération des images spectaculaires aujourd'hui? Elle est écrivain, poète, critique, un très beau film de la réalisatrice Valérie Minetto lui est dédié, sort demain au cinéma. Il s'appelle L'Échappée, sous-titré À la poursuite d'Annie Lebrun, un film comme un voyage poétique où un lecteur imaginaire, incarné par Michel Faux, déambule dans son œuvre, dans sa pensée. Bonjour Annie Lebrun. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est intéressant quand même, hein, cette surenchère des images, ce gavage qui nous est pratiquement imposé. Vous avez vu les images chocs hein, de cette catastrophe qui a secoué le Népal? Oui, oui. D'ailleurs, on est obligé de les voir. Mais de toute façon, enfin, c'est, ça me semble intéressant parce qu'il s'agit là de ce que, à mon avis, j'avais appelé une nouvelle forme de censure, qui est la censure par l'excès. Autant auparavant, la censure se manifestait justement par l'interdiction, par le manque, l'impossibilité d'accéder à l'information. Eh bien, depuis quand même plus d'une vingtaine d'années, on assiste à ce phénomène de censure par l'excès, par le gavage des images, et qui aboutit à ce que, comme vous l'avez justement souligné, à ce qu'il y a cette interchangeabilité des images, et donc une désensibilisation générale. Et c'est ce qui s'est passé là, ce que vous avez évoqué, c'est très intéressant. C'est-à-dire, on ne sait plus quelles sont les images. Ça, dans le fond, ça n'a aucune importance. Et on est dans c'est le résultat aussi de la marchandisation de l'image. L'important, c'est que d'alimenter les flux du marché. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose, comme aux Galeries Lafayette, quoi. Pour vous, quelle est la fonction d'une image? À quoi ça sert? À nous informer, à nous émouvoir, à nous tromper? Ouais, tout ça. Tout ça. Et là, en l'occurrence, justement, on assiste à une dévalorisation complète de l'image. Parce qu'aussi, il y a des images qui bouleversent. Ce film de Valérie Minetto qui vous met en scène, hein, quelque part entre le documentaire et la fiction, il commence précisément par une saturation d'images, pas des images de catastrophe en l'occurrence, ou de destruction, mais des images liées à la société de consommation, des affiches, des panneaux publicitaires de parfums, de cosmétiques, de grandes marques de vêtements qui mettent en valeur des corps et des visages de femmes, des logos, de grandes enseignes aussi. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces images? Quelle réflexion est-ce qu'elles vous inspirent? On est toujours dans ce phénomène de marchandisation de l'image et aussi de rendre les corps équivalents, de rendre les êtres interchangeables, avec en plus ce qui caractérise aussi cette société-là. C'est-à-dire que pour faire passer tout ça, il y a un emballage tout à fait séduisant. Donc il y a aussi, on assiste à une sorte d'esthétisation qui va d'esthétisation du monde, de la vie, qui a pour résultat de rendre aveugle à la beauté. Parce qu'on nous propose des beautés, des sortes de beautés standardisées. Du coup, il y a une sorte d'insensibilisation très grande. Mais alors comment on y résiste à ce gavage, à cette insensibilisation, comme vous dites? Comment vous y résistez, vous, Annie Lebrun? Je ne sais pas si j'y résiste, mais c'est par la distance que chacun peut prendre par rapport à ce qui vous est imposé. Parce que vous avez très bien Très bien dit. Tout à l'heure, c'était vous avez utilisé tout à fait spontanément le mot de quelque chose d'imposé. C'est ça. Donc, je pense qu'il s'agit de prendre conscience, et chacun peut le faire, de prendre conscience justement de cette pression qui est faite sur les uns et sur les autres, sur la sensibilité. Puis il s'agit de prendre une distance par rapport à ça. Ce film, il s'appelle L'échappée, à la poursuite d'Annie Lebrun. À quoi vous tentez d'échapper ? Moi, je sais pas. Enfin, c'est pas moi qui ai choisi ce titre. C'est Valérie et Minetto et Cécile Varaftig qui avaient choisi ça. Moi, je dis non à beaucoup de choses. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Échapper. Un jour, j'ai dit que je sais pas où je vais, mais je sais ce que je méprise. Bon, c'est ça. Échapper au réalisme, peut-être, du préférer l'imagination, Annie Lebrun. Je préfère échapper au monde qu'on est en train de nous imposer, oui, par tous les moyens et surtout par l'imaginaire. Échapper, en tout cas, vous n'échapperez pas à l'actualité de la culture. Annie Lebrun, qui dans Boomerang est un refrain. Quelle est-elle, cette actualité culturelle, aujourd'hui, mardi 28 avril ? Tu me ferais presque oublier que tu n'es qu'un laquais. Mais il manque un petit quelque chose. Où tout cela va-t-il finir ? Finir ? Ça n'a même pas commencé. Mais Vanda ! Elle peut être fière de son Molière, Marie-Gilles. La 27e nuit des Molières qui s'est tenue hier a vu le sacre de la Vénus à la fourrure de l'américain David Ives, mise en scène par Jérémy Lippmann. La pièce sensation de la saison a remporté deux récompenses, celle de la meilleure pièce et celle de la meilleure comédienne. Clairement, l'effet boomerang. Autre fait marquant de la soirée, André Dussollier a reçu le premier Molière de sa carrière pour son rôle dans Novecento. C'est beau. Le hip-hop au top et à l'Institut du Monde Arabe à Paris aussi. L'exposition Le hip-hop du Bronx aux rues arabes, orchestrée par le rappeur Akhenaton, prend ses quartiers à Lima dès aujourd'hui. Breakdance, graffiti, rap, DJing, on a jusqu'au 26 juillet pour découvrir la centaine d'œuvres exposées, se laisser porter par le flow de cette belle expo. Yo! If I die now before I wake up, ask myself, did I give enough love? Look in there. When you're on the outside, ask yourself, do you really love life? Do you really love life? Waouh, ils font leur comeback, les Take That, après la sortie d'un album en décembre dernier. Le boyband anglais des années 90 qui a révélé Robbie Williams débute aujourd'hui sa première tournée depuis 4 ans. Après Glasgow ce soir, le trio qui ne compte plus Robbie Williams dans ses rangs donnera 24 concerts dans les stades de Grande-Bretagne et d'Irlande. Blur hier, Take That aujourd'hui, à quand les Spice Girls ? En grande partie, Mo, ça avait surtout à voir avec la difficulté à transmettre la mémoire. En Russie, il y a un os avec Maus. Plusieurs libraires russes ont retiré de la vente Maus, ce monument de la bande dessinée racontant les horreurs de la Shoah et créé par Art Spiegelman dans les années 70. La raison, une croix gammée figurant sur la couverture de l'ouvrage est jugée inappropriée avant le 70e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale. Les libraires qui, jusqu'à l'absurde, s'autocensurent, c'est dur. Est-ce qu'il y a une de ces actualités qui vous fait réagir, Annie Lebrun ? L'autocensure des libraires. Ça va avec le reste. Hein. Oui, comme tout se tient. Oui, c'est ça. Vous êtes écrivain, poète, essayiste, Annie Lebrun, et pourtant, c'est pour un film que je vous reçois. Quels sont les liens que vous entretenez avec le cinéma ? C'est un objet d'étude pour vous ? C'est un divertissement ? C'est pas un objet d'étude. Oui, ça peut être. C'est plutôt des histoires passionnelles à chaque fois. C'est un peu. Surtout avant, j'allais beaucoup plus au cinéma et c'est un petit peu comme les livres. Hein. Il y a des films et puis il y a des livres qui changent la vie, quoi, c'est tout. Quel film pour vous ? Là, tout de suite, je ne pourrais pas dire parce qu'il y en a eu deux ou trois, mais bon, c'est ça, c'est des rencontres. Dans le fond, c'est des rencontres avec des mondes et c'est ça qui est vous êtes complètement embarqué. C'est ça qui est merveilleux là-dedans. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il est vraiment à la lisière de la fiction et du documentaire. Il met en scène un lecteur imaginaire, interprété par Michel Faux, qui vous lit un peu partout, dans son lit, dans son bain, à la terrasse de café. Il entretient avec vos textes ce que vous dites, un rapport qu'on pourrait qualifier de passionnel. Il tente de vous retrouver. Ce lecteur imaginaire, c'est qui ? C'est votre lecteur idéal ? C'est je sais pas, puisque c'est quand même le projet de Valérie Mietto et Cécile Varaftig. Donc c'est en tant que lecteur et lectrice qu'elles ont imaginé ce lecteur imaginaire. Mais moi, je ne sais pas. Donc ça pourrait être elle. Peut-être, oui. Mais ça pourrait être vous aussi, je me suis dit, Annie Lebrun, parce qu'il partage, ce lecteur, cette relation passionnelle avec le texte. Quel type de lectrice est-ce que vous êtes, vous ? Moi, je m'ennuie beaucoup, souvent. Ah bon ? Non, c'est-à-dire que bon, j'ai lu et je lis toujours avec une sorte d'avidité. J'ai une sorte toujours de famine. Je suis en... J'attends de trouver quelque chose de tout à fait formidable. Alors, très souvent, je peux être déçue, mais si je suis embarquée, eh bien, c'est ça que j'attends. J'attends un voyage de chaque lecture. Ce qui est intéressant. Alors, ça peut être aussi bien un roman qu'un essai. Voilà. Vous avez dédié une partie de votre œuvre à l'étude de grands auteurs, comme Victor Hugo, comme le Marquis de Sade, Jarry, Roussel. La littérature, en fait, vous n'avez eu de cesse de lui rendre hommage, et peut-être avant tout en tant que lectrice. Dans ce film, j'ai l'impression quand même que les rôles sont inversés. De lectrice passionnée, vous vous trouvez dans la position d'auteur admiré. C'est un drôle de renversement, c'est troublant pour vous ? Bah, je me sens pas spécialement admirée, ni auteur, ni encore moins. Non, c'est moi, je suis très passive dans cette histoire-là, puisque j'ai pris cette rencontre avec Valérie et Cécile comme bon, ce que la vie peut vous apporter d'heureux. Et puis bon, elles m'ont proposé une sorte de voyage, et on est parti ensemble dans des lieux que j'aimais bien. J'étais heureuse qu'elle partage mon enthousiasme pour certains endroits. Et puis ça s'est fait comme ça, mais j'ai pas du tout l'impression, enfin j'ai pas du tout l'impression qu'il s'agisse de littérature. Enfin Vous qui me disiez tout à l'heure que vous êtes celle qui dit non, vous avez dit oui tout de suite pour ce projet ? Non, j'ai traîné un peu, je savais pas de quoi il s'agissait. Puis comme elles étaient quand même très enthousiaste, bon, ben voilà. Et comme c'était, il y avait une sympathie qui s'est installée entre nous, donc voilà, c'est tout, c'est un petit peu... Alors vous avez dit oui, ça veut dire accepter aussi de se livrer ? Se livrer, c'est beaucoup dire, hein, parce que j'ai pas vu le film totalement fait, j'ai pas l'impression que je me livre beaucoup. Un peu, quand même. Bon, je sais pas. Non. On va reparler, Annie Lebrun, de vos noms, de vos oui, de vos mots, de poésie, d'imagination, à travers ce film de Valérie Mineto, L'Échappée, qui vous est dédié. Juste après une injonction de Juliette Gréco, qui, pour le coup, vous en conviendrez, n'appelle qu'un oui. Déshabillez-moi, dans Boomerang. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse et doigté, Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder. Me consumer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme. Soyez l'homme. Agissez. Déshabillez-vous. Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard. Et pourquoi pas se déshabiller ? C'est vrai qu'on n'est jamais contre un petit striptease de temps à autre dans Boomerang. Puis à la radio, de toute façon, c'est resté très discret. Tout est dans le cachet montré, dans le fantasme, dans le désir. Mon invité aujourd'hui semble pourtant résolument attaché à ses vêtements. Son top lilas, son écharpe vaporeuse violette, sa veste cintrée, sa jupe longue noire, ses bottines Parme, les mêmes que dans le film. Ajouté à cela, son long visage maquillé, ses joues un rien creusé, son regard intense, hein, ombragé, par un sombre fard à paupières, ses cheveux aux reflets rouges, ses lèvres impeccablement dessinées. Elle est un peu gênée, mais surtout ses mains, hein. Ses mains vibrantes, nerveuses, animées par je ne sais quel enchantement. C'est une ensorceleuse. Annie Lebrun, l'écrivain, est mon invitée dans Boomerang pour parler d'un film qui lui est consacré, L'échappée, à la poursuite d'Annie Lebrun, qui sort demain. Un film moins sur votre œuvre, en somme, que sur votre pensée en mouvement, Annie. Et d'ailleurs, en mouvement, vous l'êtes dans ce film, sans cesse, hein. À l'exception de quelques passages, on vous voit assise dans votre bureau en entouré de livres, vous êtes toujours en train de marcher. Non, c'est pas dans mon bureau, entouré de livres. Non, non, non. J'ai pas de bureau entouré de livres. Il y a voit. Plein de livres voilà, chez moi, bon, mais j'ai pas un bureau oui, entouré c'est ça, de livres. Bon. Oui, on vous voit entouré de livres quand même. On vous voit surtout quand même en train de marcher dans la rue, oui. Sur des plages de Saint-Malo, à Zagreb, ailleurs. C'est un voyage, en fait, ce film. C'est une déambulation. Bah, oui, enfin, à partir du moment où vous réfléchissez un peu, vous... c'est pour voyager, c'est ça. Ça veut dire que la pensée, elle se matérialise aussi dans la marche. Ça veut dire que vous pensez en marchant, vous. Je ne sais pas si je pense en marchant. Je ne sais pas si je pense vraiment de toute façon. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que quelque chose bouge, que qu'il y ait des parcours. Hein. On ne sait pas tellement quel est le but du parcours. L'important est de, c'est que. On va au devant du monde, au devant des êtres, c'est tout. C'est ce qui vous fait le plus peur, la stagnation, stase. Ah oui, oui, ah oui. Pourquoi? Bah, parce que tout est perdu dans ces conditions-là. Quand les gens, c'est comme si quand on assiste beaucoup à des pensées qui s'affaissent comme ça et qui tournent en rond et qui ne voient pas ce qui se passe, qui ne voient pas que ça bouge. Que le monde est en train de bouger, qu'est-ce qui advient. C'est toujours ça, moi, cette idée de marcher, de voyager, c'est toujours pour il s'agit d'aller au-devant de l'éventuel, au-devant de ce qui peut se produire, de ce qui peut aussi changer le paysage, de ce qui peut émerveiller. C'est ça qui importe, autrement, c'est pas tellement la peine. La réalisatrice Valérie Minetto, elle confie à propos de la marche qu'il était physiquement très difficile de vous suivre parce que vous marchez très très vite. Oui, enfin, bon, tout est relatif quand même. À quoi vous pensez quand vous marchez ? Pas grand-chose. Moi, je pense pas beaucoup, hein. Je pense seulement quand je peux pas faire autrement, dans le fond. Ce qui est intéressant avec la marche, c'est qu'elle implique aussi un engagement du corps, de votre corps, qui, dans ce film, est perché sur des talons, emmitouflé dans un manteau, fragile en apparence, mais extrêmement déterminé. Comment est-ce que vous le voyez, vous, votre corps, ce corps que vous avez tant pensé, hein, pour le coup, sur lequel vous avez tant écrit? Pas sur le mien. Bon, je fais attention, je regarde, oui, parce qu'il me semble qu'il y a... justement, c'est la question de l'écriture, hein, de la littérature, qui plutôt de la poésie qui va bien au-delà et qui se produit bien au-delà de la chose écrite et souvent en dehors de la chose écrite. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est très important. Par exemple, je m'excuse de citer, mais c'est quand même ce que Mallarmé a écrit, l'écriture corporelle, a appelé l'écriture corporelle. Donc il y a tout ce langage-là que les uns et les autres ont, ce mode d'expression, et qui est justement dans le corps, dans la façon dont on s'habille, etc. C'est le corps qui parle, c'est le corps qui écrit, c'est le corps qui pense. Oui, oui, oui, je pense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, justement aussi, on peut en venir à ce dont on parlait tout à l'heure. On assiste à cette uniformisation des corps et des tenues et des attitudes actuellement qui fait très, très peur. Qui tue le désir aussi. Ah oui. J'étais la proie d'un désir qui, d'être apparemment sans objet, me dépouillait même de ma nudité. Pour la première fois, privé des miroirs du plaisir, j'étais prise dans un remous érotique dont rien ne me permettait de voir ni de concevoir la fin. Au point qu'un soir d'avril, après un de ces orages brusques qui vident les quais de la Seine comme un raz de marée, je me découvrais complètement seul dans la cage des reflets d'un ciel de soufre et de métal qui faisait basculer l'horizon sous mes pas. Extrait de ce film L'échappée à la poursuite d'Annie Lebrun, où l'on entend la voix de Michel Faux lire l'un de vos textes, Annie, entendre son texte à soi, lu, vécu, incarné par cette voix masculine, ça vous fait quoi? C'est d'abord un effet d'étrangeté, ce qui fait que je l'écoute un petit peu. Et puis bon, j'ai eu la chance que ce soit Michel Faux, donc ça c'est... Un effet d'étrangeté, ça veut dire que soudain il vous est étranger? Oui, enfin, comme de toute façon, après, j'ai toujours une distance par rapport à ce que j'ai écrit. Tout d'un coup, je le relis comme quelque chose d'autre. Enfin, je l'entends comme quelque chose d'autre. C'est quoi une bonne lecture pour vous? Et là, je m'adresse autant à la lectrice qu'à l'écrivain, Annie Lebrun. Dans quel sens? C'est-à-dire soi-même en tant que lecteur ou... Je n'ai pas bien compris de quel point de vue vous posez ça. Soi-même en tant que lecteur, oui, possiblement. Une bonne lecture. C'est la séduction, hein. C'est la quand vous êtes emporté. Enfin, pour moi, ça reste toujours le modèle de la lecture, même pour les textes plutôt abstraits. Le modèle de la lecture, c'est que quand on était petit, qu'on prenait un livre et qu'on ne pouvait plus le quitter. Et c'est ça qui est important. On ne peut plus le quitter. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous entrez dans un monde où vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer d'avancer. Et moi, je me souviens, j'en étais malade quand j'étais petite. Quand les livres se terminaient, je ralentissais à la fin pour ne pas sortir de ce monde-là. Voyez, ce que dit le texte qu'on a entendu, c'est la violence du désir érotique, une sorte de cataclysme, hein, émotionnel, sensoriel. Non, oui, enfin, c'est dans le livre sur Sade. J'essaye de rendre compte de ce qui s'est passé quand j'ai lu véritablement... les 120 journées de Sade, les 120 journées de Sodome. Et là, il y a une sorte, enfin, comme il s'agit de quelque chose d'absolument insoutenable, et quand on le lit vraiment, il y a un bouleversement de cet ordre-là que j'ai essayé là, d'évoquer dans ce qu'on a entendu. Et l'abîme qui s'ouvre sous vos pieds, cette image, elle est très récurrente chez vous. C'est quoi cet abîme? C'est les ténèbres, c'est le néant sur lequel nous avançons. Hein, que nous... Il y a cette nuit dans laquelle chacun avance, c'est ça. La lune était en son plein. Le ciel était découvert. Et 9 heures au soir étaient sonnées. Lorsque nous revenions d'une maison proche de Paris, quatre de mes amis et moi. Les diverses pensées que nous donna la vue de cette boule de safran nous défrayèrent sur le chemin. L'autre monde ou les états et empires de la lune, un texte méconnu de Savinien de Cyrano de Bergerac, disponible en CD, mise en scène et joué par Benjamin Lazare. C'est votre conseil, Annie Lebrun, aux auditeurs de France Inter. Pourquoi ? Oui, parce que c'est un, d'abord, c'est un des plus beaux textes qui existent. C'est un des textes prodigieux sur la liberté de penser, justement sur la conquête de la liberté. Et là, il s'agit d'une de ces pensées en mouvement qui me fascine. Et puis, c'est une sorte de grande épopée athée, si on peut dire, et qui montre aussi ce qu'est la conquête de la liberté par aussi le rire, par l'humour. Et cette distance que prend Cyrano de Bergerac en montant sur la Lune et pour regarder le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et le spectacle qu'en a fait Benjamin Lazare, c'est parmi les grandes œuvres poétiques de ce temps. Avec cette langue baroque qui sonne autrement. Oui, et qui rend aussi une matérialité à la langue. Et quand on entend et quand on voit justement, puisque le spectacle dans ce CD, le spectacle est filmé, quand on voit ce qu'en fait Benjamin Lazare, on assiste à cette reprise du corps, la pensée est reprise par le corps. Et rarement, une pensée comme celle de Cyrano de Bergerac n'a été servie de cette façon éblouissante. Merci Annie Lebrun d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que L'échappée à la poursuite d'Annie Lebrun, le film de Valérie Mineto avec Michel Faux, sort demain, qu'il s'agit d'un voyage inédit dans les méandres de votre écriture, par le prisme précisément de la poésie, de la lecture, de la littérature. Il est 9h39 et Charline Roux nous attend pour l'instant M, l'instant média de France Inter avec son invité, le journaliste Samuel Laurent. C'est juste après ça. When you come down.